prends le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. Je veux du rhum, pas des chrysanthèmes, au générique de fin de cette mise en scène. Je maudis le monde sans attendre qu'on m'aime, vais où mes propres mélodies m'emmènent. Et je vis sans gêne et j'écris sans chaîne. Mon mépris a pris, je le crie quand même. D'où mes rimes proviennent, sache que nos peines, même les plus anciennes, font des prisons pleines. Parfois c'est vital, on peut pas toujours éviter de confronter ses opinions et ses idées. Même si ça blesse au fond, y'a encore plus profond, encore des sous-sols quand on pense toucher le fond. Des tas de choses auxquelles on n'a pas encore songé, laissé pour mort, il finira par se venger. Y'a pas de notice, des gens vrais et d'autres factices. Un jour il réclame son dû, c'est avec le diable tu pactises. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. Souvent je me dis que j'ai trop de haine pour un seul scar. Là je suis montré du doigt quand je me balade par-ci par-là. Les regards me soupçonnent, pourtant je connais personne. Qu'on me foute la paix, c'est en particulier ce que j'affectionne. Je prends le train en marche, là c'est d'attendre à quai. Qu'on veuille bien m'utiliser comme un laquais. Qu'on pense enfin à m'intégrer dans le système, je sais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et malgré les sales plans, je recherche les talbins. Je remplis les calepins et je fuis les parfums. Et puis je tiens tout le temps des propos insultants, expliquant comment je l'ai et à quel point. J'en ai connu tellement, des moments déroutants, que je vis dans l'instant, que plus rien ne m'atteint. Si personne ne m'entend, je ne vais pas pour autant aller le dos voûté à la base des pantins. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes. On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. On tente notre chance et on joue carte sur table. Pendant que tout s'écroule, on cherche encore le Graal. En maudissant la guigne, quand le doute nous gagne, je pense que la musique rend malade autant qu'elle nous soigne. Les choses, je les prends comme elles viennent. Vu que la crise et les coups et les cours d'assises ont attisé les flammes sur beaucoup, nous ont brisé le cou, dis-moi combien tiennent.